Bist doch ein Body raus, ist ein Job, ist ein Job, ist ein Job, ist ein Job, ist ein Job. Le temps s'en va et nous balaye comme de vulgaires poussières. Nous emporte et agrandit nos plaies vers l'infini, me pousse hier encore. Sa vitesse m'a projeté à aujourd'hui. Demain est tellement proche, si j'étais lui, je fuirais ceux qui m'ont associé des unités de mesure. De l'année à la seconde, lui seul nous aura à l'usure, c'est sûr. Nos vies sont gérées par ses 60 battements. J'ai peur de lui comme de la mort et ceux qui s'en battent. Le temps s'en va, souffle nos passages comme le vent, trône sur le monde. Parfois il s'emballe et passe de la brise au cyclone. Imperceptible, il s'amuse avec sa cible. Et heureusement que sa version négative est impossible. Exprimer ses gains dans cette dimension n'a pas de sens, puisque peu importe le roulant droit, tout arrive à échéance. C'est l'entité intouchable et hors de contrôle, ce rythme cadençant l'univers où il tient le premier rôle. Nos vies sont éphémères, le temps perdu et nos rêves dans une impasse. De ma fenêtre, le temps file, pas à pas, pas à pas. Mais t'en bats les races, c'est mon job. Encore un soir de voir, encore un soir identique aux autres. Nos vies sont éphémères, le temps perdu et nos rêves dans une impasse. De ma fenêtre, le temps file, pas à pas, pas à pas. Mais t'en bats les races, c'est mon job. Encore un soir de voir, encore un soir identique. Le temps s'en va, nous échappe. Ce fardeau à nos poignets qui nous happe de force jusqu'à ce que la mort frappe. Ces aiguilles me transpercent le cœur, cette harmonie éternelle, névrose d'auteur sempiternelle. Il continuera sa course, serra les astres, éteindra le soleil et assistera au désastre. Spectateur de nos vies tyranniques, le maîtriser n'est pas autorisé par les lois de la physique. Le temps s'en va, il nous file entre les doigts comme un fluide ou du sable fin. Avec ou sans moi, son règne est infini mais verselle. Mais en fait, profiter de la vie, je crois que c'est ça qui nous enseigne. Mais en fait, profiter de la vie, je crois que c'est ça qui nous enseigne. Nos vies sont éphémères, le temps perdu et nos rêves dans une impasse. C'est de ma fenêtre, le temps file, pas à pas, pas à pas. Mais t'en bats les races, c'est mon job. Encore un soir, encore un soir, identique aux autres. Nos vies sont éphémères, le temps perdu et nos rêves dans une impasse. C'est de ma fenêtre, le temps file, pas à pas, pas à pas. Encore un soir, identique aux autres. Donc carpe diem, même si la sentence est un peu trop sévère. Même si la vie a parfois un goût rance, que des jours sont plus amers que d'autres. Devant ma porte, chacun de mes souffles balayera ainsi les feuilles mortes. Et jusqu'au dernier grain de silice, jusqu'à la dernière vague d'oxygénation sanguine au bord du précipice, jusqu'à la dernière page blanche, avant de m'échouer sur le récif, j'aurais eu le temps d'écrire quelques récits. Nos vies sont éphémères, le temps perdu et nos rêves dans une impasse. De ma fenêtre, le temps file, pas à pas, pas à pas. Mais t'en bats les races, c'est mon job. Encore un soir, encore un soir, identique aux autres. Nos vies sont éphémères, le temps perdu et nos rêves dans une impasse. De ma fenêtre, le temps file, pas à pas, pas à pas. Mais t'en bats les races, c'est mon job. Encore un soir, encore un soir, identique aux autres.